Stephen King aime les démons, Stephen King aime le maïs, Stephen King a écrit Les démons du maïs, Fritz Kirsch l'a adapté et Greg Spence en a réalisé la troisième suite. Bonjour à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis encore une fois en duplex avec Chris. Salut, en duplex pour la dernière fois normalement. J'espère, parce que ça commence à devenir pénible. Ça commence à être un petit peu longué cette histoire. Ouais. Non, et puis c'est mieux quand même de se voir, de faire ça en face à face. Oui, bah, puis surtout qu'on peut partager des bonbons. De manger du savane. Du savane et diverses saloperies. C'est quand même mieux. En complétant la carte des États-Unis où je n'ai toujours pas le Maine, je tiens à le signaler. Voilà, c'est quand même assez triste. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler des démons du maïs 4, donc le quatrième de la série originale des démons du maïs. Nous avons déjà consacré un épisode à cette nouvelle, puisque Notre cinquième épisode était dédié au démon du maïs de Donald P. Borchers, donc le remake et reboot de la série sorti dans les années 2000. Et c'était pas très bien, souvenez-vous-en. Ouais, un de nos meilleurs épisodes. Ah ça, la qualité du film n'est jamais raccord avec la qualité de nos épisodes. Et un des meilleurs films de la liste, hein, d'ailleurs, puisque je le rappelle, du coup, ce film est actuellement avant-avant-dernier, il y a Jesse et le fléau après lui. Ouais. Et la nouvelle est aussi avant-avant-dernière, en 14e place actuellement, puisqu'elle est suivie par Le Dentier Claqueur et L'Année du Loup-Garou. Donc on ne va pas reparler de la nouvelle, bien sûr, et nous allons passer tout de suite au film. Comme d'habitude, nous allons spoiler, donc, bah, surtout le film en l'occurrence, parce que là, il n'a plus beaucoup de rapport avec l'histoire d'origine. Donc si vous ne voulez rien savoir, regardez-le avant, et c'est parti. Stephen King comes the darkest mystery of the year. You and I both know there's nothing to be afraid of, right? I'm not afraid of anything. Of an evil set upon a small Midwestern town. Grace, I'm hot. It did something to him. The fever. And a young medical student who must solve its mysteries. Whatever happened to my boy, it's going to happen to him. The secret of the force behind the terror will be revealed. I've come for the children. Children of the Corn 4. The Gathering. Les démons du maïs 4, la moisson ou Children of the Corn 4, The Gathering en VO, raconte l'histoire de Grace, une étudiante en médecine qui revient dans sa famille parce que sa mère est atteinte d'une forme très avancée d'agoraphobie. Au moment de son retour, il y a une fièvre étrange qui va s'emparer de tous les enfants de la ville pendant une nuit, puis passer subitement, et après ça, il commence à attaquer les adultes du village, à se donner des prénoms bibliques, et à obéir aux ordres d'un certain Joshua, qui semble être un démon ressorti on ne sait trop comment d'un puits. C'est un résumé qui vend du rêve, j'ai envie de dire. Ouah, ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être mieux aussi. Ouais, ça aurait pu être plus con, hein, honnêtement. Ah oui. Oh oui, bah ça, je pense qu'on en a déjà eu et on en aura encore. Hein. Ouais, c'est ça. Plus con. Ne serait-ce que dans la suite de la saga, d'ailleurs. Donc le premier film de la saga Démon du maïs, Enfant du maïs, parce que oui, apparemment en français à partir du quatrième ils ont repris le titre Enfant du maïs, mais pas dans toutes les éditions, donc c'est, vous pouvez le trouver soit sous le titre Les Enfants du maïs 4, soit sous le titre Les Démons du maïs 4. Sachant que sous le titre c'est Les Enfants du maïs 4, en réalité les trois premiers n'existent pas en France, vu que c'est des démons du maïs. Ça rend les recherches catastrophiques et chaotiques. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Donc le premier film de la série en tout cas avait eu un certain succès, il avait rapporté 14,5 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 3 millions, donc si on ajoute l'international que je n'ai pas réussi à trouver, c'est quand même bon, assez confortable. Ouais. Le deuxième film était sorti 9 ans plus tard, il y a un gros écart entre les deux premiers, et il n'a pas retrouvé ce succès parce qu'avec un budget de 900 000 dollars... Bon, bah déjà le budget, voilà. Il en rapporte un peu moins de 7. Donc c'est assez logique que très vite, en fait, à partir du 3e aux États-Unis, la saga soit passée au format direct to vidéo. Et même à partir du 2e en France. Le 2e film n'est jamais sorti en salle chez nous. Comme tous les films de la série, à l'exception du 1, il est distribué par Dimension Films, qui est donc la boîte succursale de Miramax. Et Dimension Films produit aussi en partie le film. En fait, entre le 2e et le 7e, ils sont plus ou moins à la production de tous les opus, des fois tout seul, des fois avec d'autres, c'est un peu le bazar. Putain, mais qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu es producteur pour dire oui, ok, je signe pour Les Enfants du Maïs 7 ? Alors, c'est Dimension Film, hein. Je pense que c'est eux qui sont à l'origine du projet et qui après trouvent d'autres boîtes pour cofinancer, mais c'est une compagnie qui a financé énormément de trucs très, très bof et de série Z... De bas de tiroir quand même. Ah oui, ça, on est dans le fin fond de la série Z. Ouais, c'est ça. J'ai pas le budget de ce film là, mais au vu de ceux qui l'entourent, je pense qu'on est entre 1,5 million et 2 millions. Bon, pour un direct ou vidéo, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein, de... Oui, effectivement. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais. Voilà. Bah, on en reviendra. Les effets spéciaux, à la limite, c'est même pas ce qu'il y a de pire dans le film. Non, ils sont assez bien foutus, même, je trouve. Mmh. Ça m'a agréablement surpris. Voilà. Le deuxième film était la suite directe du premier au sens où c'était des personnages qui enquêtaient sur les événements du premier opus, mais à partir du 3, à l'exception d'un flashback dans le 3, les films sont conçus comme étant indépendants les uns des autres, sauf le 6 qui reprendra pour le coup le même méchant que le premier, que quitte à faire une saga bordélique, autant y aller à fond. Voilà. Donc dans chaque film, à partir de là, le concept de la nouvelle de King est repris vaguement, à savoir une secte d'enfants qui vénère un dieu, une entité démoniaque. Mais tous les autres éléments autour changent, y compris concernant la nature exacte du culte. D'ailleurs, le troisième film essayait aussi de changer le milieu dans lequel ça se passait, vu que il s'appelle Urban Harvest, donc comme le titre l'indique, il se passe en pleine ville, tandis que tous les autres se passent dans un milieu rural, enfin une petite ville de campagne. Et grâce à ça, visiblement, le troisième opus est pas mal apprécié comparé aux autres. Pour son petit côté changement d'ambiance, peut-être ? Ouais, c'est ça. Après, est-ce que ça veut dire qu'il est bon pour autant ? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Bah écoute, on le découvrira bien un jour ou l'autre. Alors ça va être assez amusant parce que tu vas voir que dans ce film, il y a pas mal de membres de l'équipe technique qui ont fait pas mal d'autres choses dans leur carrière, mais pas du tout au poste sur lequel ils sont dans ce film-là. Ah, c'est marrant, c'est logique. Ouais, c'est ça, donc ça m'a amusé en le faisant. C'est aussi pas mal de débutants, parce qu'à la production, on a Gary Depew, qui a aussi produit le grandiose Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité. Bon, lui, je crois qu'il était actif depuis un moment. Ouais. Et l'autre, c'est Jack Eberle, qui d'habitude est plutôt actif dans les départements son, puisqu'il il officie en tant qu'ingénieur son, en tant que designer sonore, en tant que monteur son, avec une carrière assez remplie. D'ailleurs, au département son, il est sur les 2e et 3e des Monts du Maïs. Et c'est aussi un doubleur assez actif. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fout en tant que producteur là-dessus, sachant que c'est quasiment son seul travail à ce poste-là ? Bah, je n'en sais rien. Je sais pas, il voulait continuer à rester dans la saga, mais plus en mettant les mains dans le cambouis. Ouais, peut-être. Le co-scénariste et réalisateur s'appelle Greg Spence, il en était à ses tout débuts de carrière à l'époque. Il a fait un seul autre film, un direct to vidéo aussi, Prophecy 2. Et ensuite, il s'est plutôt tourné vers la production, surtout à la télévision. Et il a quand même été un des producteurs sur l'intégralité des épisodes de Game of Thrones. D'accord. Donc voilà, il a plutôt bien réussi aussi, mais à un autre poste. Bah même Prophecy, c'est quand même une petite série B qui est plutôt connue. C'est bien la série avec Christopher Walken ? Après, Christopher Walken est dans le premier, mais est-ce qu'il est dans les autres ? Alors là, par contre, je sais plus. Je me souviens avoir vu le premier et avoir trouvé ça sympathique, sans plus. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le 2 et le 3. Alors, je viens de vérifier, oui, il y a toujours Christopher Walken dans le 2, et il y en a 5. Il y en a 5 en tout, oh la vache ! Ouais. Et il est dans tous ? Alors, il n'y a même pas de fiche Wikipédia passé le 3e. Ah ouais, d'accord. Donc, mais il est dans le 3e, en tout cas. D'accord, ouais. Christopher Walken est comme tout le monde, il doit payer des impôts. Ouais, voilà. Je pourrais faire des recherches approfondies, mais je m'en fous un peu, pour être honnête. L'autre scénariste, c'est Steven Berger. Et il semble avoir arrêté sa carrière peu après. Il a que 2-3 films à son actif. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je suis tombé sur un chef d'entreprise qui s'appelle Steven Berger, mais j'ai aucune preuve que c'est le même. Donc, Peut-être qu'il fait des bâtons. Des bâtons de berger, oui, elle est bien, celle-là. Ou alors il tient un chenil. Voilà aussi. Et il a un frère qui s'appelle Michel et qui est allemand, voilà, comme ça on les a toutes faites. Ah voilà, on est en forme aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est le confinement qui nous rend comme ça ? Je pense que ça aggrave notre état normal, hein, très clairement. Et je pense que le retour à la vie civilisée va aggraver encore plus. Ça risque d'être compliqué. Au casting, bah dans le rôle principal, on a quand même Naomi Watts, qui elle aussi en est à ses tout débuts. Elle avait joué quelques rôles secondaires dans des films américains et australiens avant, mais c'était pas une actrice connue à l'époque. Sa carrière prendra vraiment son essor au début des années 2000, avec l'enchaînement Mulholland Drive en 2001 et Le Cercle en 2002. Elle a eu la carrière qu'on connaît, donc une très très bonne actrice, qu'on a pu voir dans plein d'excellents films. Toi, qu'est-ce que t'aurais à citer que tu trouves particulièrement mémorable avec elle ? Bah du coup, pour continuer à parler un petit peu du début de sa carrière, on peut citer le très bon Panique sur Florida Beach de Joe Dante, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, mais elle fait limite un caméo dedans, non ? Oui, mais je m'en fous, c'était juste pour citer Joe Dante et Panique sur Florida Beach. D'accord, non mais très bien. Parce que c'est un très bon film et que Joe Dante, clairement, est un putain de réalisateur, faudrait lui consacrer des émissions entières. Je pense qu'on est d'accord. Mais on ne pourra pas parce qu'il n'a jamais adapté King, ce con. C'est vrai. Mais sinon, non, elle est très bien aussi dans J.E. de Garde, Eastwood, qui est sorti il y a quelques années maintenant, au début des années 2010, si je me souviens bien. Ouais, qui est un bon Eastwood pour le coup. Oui, clairement, qui fait partie des bons Eastwood. C'est vrai que dernièrement, il fait plutôt des films un petit peu en dents de scie, je trouve, mais là, on était quand même encore dans la très bonne période. J'ai pas vu tous ces derniers, donc je peux difficilement témoigner, mais... Le problème d'Eastwood, je pense, c'est que, enfin, pour moi, c'est vraiment à partir du moment où il s'est mis à faire des trucs ultra politisés, et le problème, c'est qu'il a des avis politiques des fois un petit peu de droite, disons, mais bon. Oui, très clairement, là, il est dans une période héroïsme américain. Après, si les films qualitativement continuent à être corrects, c'est un truc que j'arrive encore à excuser chez Eastwood, parce que c'est une droite... c'est pas la droite ultra facho bourrin comme peuvent l'être justiciers dans la ville. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'arrive encore à tolérer les opinions politiques divergentes d'Eastwood quand c'est dans ses films, un peu moins quand il en parle en dehors. Même si, et pourtant c'est une saga que j'aime bien, même si Dirty Harry quand même, des fois c'est un peu limite, hein, mais bon. Oui, mais ça reste une bonne saga quand même. Voilà, on est d'accord. Bon, fermons cette parenthèse sur Eastwood. Il y a aussi, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu avec Naomi Watts, qui est sympa, enfin bref, une très grande actrice. Qui apparemment a été payé $5,000 pour ce film, ce qui était à l'époque son plus gros cachet. Et qui est présente dans la saison 3 de Twin Peaks, que moi je n'ai pas vue. Oui, c'est une actrice que David Lynch aime beaucoup, j'ai pas vu la saison 3 non plus, mais elle est aussi dans, comme on l'a dit, Mulholland Drive, elle est dans Inland Empire aussi, elle joue un des lapins. Un film chelou s'il en est. Ah oui, c'est probablement le David Lynch que je comprends le moins bien, Inland Empire. Voilà, est-ce que lui-même l'a compris ? Je ne sais pas si c'est le but. Alors, la sœur et fille de Naomi Watts, spoiler, est jouée par Jamie Renée Smith, qui a continué un peu sa carrière ensuite, mais sans rien de trop remarquable, elle s'est plus ou moins arrêtée aujourd'hui. Elle joue quand même la fille de Linda Hamilton dans Le Pic de Dante. D'accord, ouais. Qui est pas un film extraordinaire. Hein. Moi, je suis pas fan, je sais que j'ai un ami qui écoute le podcast, qui aime beaucoup. Donc, Le Pic de Dante. Big up à lui, ouais. Alors, attends, c'est lequel ? Parce que c'était une période où t'avais des films de. C'est celui avec Brosnan, Le Pic de Dante. D'accord, oui, donc c'est pas l'autre avec Tommy Lee Jones. Non, ça c'est Inferno. Volcano, peut-être. Volcano, ouais. Voilà. Ouais, c'était l'époque où les films catastrophes de volcans c'était à la mode. Ouais, c'est ça. Une époque heureusement passée. Le frère du personnage de Naomi Watts, de Grace, est joué par Mark Salling, qui était dans son premier rôle à l'époque. Il s'est fait connaître en jouant un des rôles principaux de Glee, le rôle de Noah. Après, comme j'ai pas vu Glee, j'ai pas envie de voir Glee, je saurais pas non plus trop témoigner. T'as vu, toi ? Non, pas du tout. D'accord. Mais contrairement à toi, par contre, pourquoi pas ? Ça ne fait pas naître du désintérêt en moi. Bon, si tu regardes un jour, tu me diras. L'acteur s'est depuis suicidé en 2018 pour, enfin, alors qu'il devait être jugé pour possession d'images pornographiques infantiles. Ah, voilà, d'accord, super. Pour la charmante histoire du jour. Merci, merci d'illuminer mes journées, Issa. Oui, non, mais j'aime bien aller à fond dans les détails importants. Oui, oui. Dans le rôle de la mère, on a Karen Black, qui était une actrice active depuis un bon moment, elle est plutôt jeune dans le film. Elle avait commencé sa carrière à l'époque du Nouvel Hollywood, et elle a maintenu un rythme très effréné tout le long de sa vie. Souvent dans des rôles secondaires, mais on a pu la voir dans Easy Rider, 5 pièces faciles, Complot de famille de Hitchcock, que pas un très bon Hitchcock, mais bon, ça va. Dans Gatsby le Magnifique de Jack Clayton, L'Invasion vient de Mars de Tobe Hooper, que je n'ai pas ouais. vu. Il est bien celui-là de Tobe Hooper ? Sympathique. Après, Tobe Hooper, à l'exception de Massacre à la tronçonneuse, le deuxième est sympathique aussi d'ailleurs, Massacre à la tronçonneuse, et de Poltergeist, même si, bon, on émet des doutes sur si c'est lui ou pas qui l'a fait, mis à part ces trois films-là, c'est quand même le réalisateur du moyen. Hein. Oui, enfin, j'ai pas vu son Salem, que je suis un peu curieux de voir. Oui, bah, du coup, on en parlera quand on le verra, je ne l'ai pas vu non plus. C'est ça. Karen Black, elle a aussi joué dans un des quelques films réalisés par Jack Nicholson, Vas-y fonce, et dans La Maison des Mille Morts, elle joue la mère de la famille Butterfly. D'accord. Très bien. La Firefly, pardon. Oui. Et ça m'a fait rire parce qu'elle joue dans Femme et maîtresse de Jean-Marie Paillardi, un réalisateur très apprécié sur Nanarland, oui. parce qu'il est derrière Whitefire et Kill for Love. Voilà, des chefs-d'œuvre. Et oui, j'ai pas encore vu Kill for Love, mais Whitefire, c'est carrément un chef-d'œuvre. L'autre vétéran du casting, c'est William Windon, qui joue le Docteur, qui a eu une énorme carrière au cinéma et à la télévision. Et son rôle le plus connu, le plus emblématique, c'est déjà le rôle d'un docteur, celui de Grady Fletcher dans Arabesque. J'ai dû voir des épisodes d'Arabesque quand j'étais tout petit, mais bon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Effectivement, moi non plus. Le reste du casting, c'est bien plus secondaire, c'est soit des acteurs de télévision, soit des acteurs enfin, qui n'ont pas continué beaucoup leur carrière par la suite. Je citerai juste que celui qui joue Donald, le père qui accompagne son fils hémophile pendant tout le film, a joué dans l'excellent L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven. D'accord. Voilà, pareil, c'est juste pour citer un excellent Wes Craven, que tu n'as pas vu, je crois. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est vraiment un de ses meilleurs autour de les idées de zombies vaudou. Il vaut vraiment le coup. Il va falloir que je me penche dessus. Il me semble qu'il est ressorti il n'y a pas très longtemps en plus avec un nouveau master. Ouais, dans une belle édition. Il va falloir que je m'y penche. Le tournage a eu lieu à Austin, au Texas, et je ne sais pas ce qui a pu se passer sur ce tournage, mais il y a eu 4 directeurs de la photo différents. Richard Klabogue, Chuck Hatcher, Dean Lent et Michael Off, et aucun des quatre n'a une carrière particulièrement brillante en dehors de ça. Donc je sais pas s'il y a eu des conflits ou si c'était que c'était fait à l'arrache et que ça devait changer selon les disponibilités du moment, mais c'est quand même énorme, 4. Et après Jonathan Elias et Daniel Licht, c'est David Williams qui s'occupe de la BO de ce 4e film. Donc c'est un compositeur actif depuis un petit moment, surtout dans le film de genre, qui a fait la BO de films comme American Yakuza avec Viggo Mortensen, qui est un film plutôt sympa, FBI Un homme à abattre avec Russell Crowe, ou de Fais-leur vivre l'enfer Malone plus récemment, et de Wishmaster 2 aussi. Il a aussi collaboré donc sur l'autre film de Greg Spence, Prophétie 2. Là, il fait un travail d'ambiance, et au niveau ambiance, c'est plutôt réussi. Il y a une utilisation des chœurs et des percussions qui est assez efficace et qui est pas totalement cliché, je trouve. Après, j'ai trouvé que ça manquait un peu de thème mémorable pour vraiment fonctionner. Ouais, je suis d'accord, on en reparlera pendant, sans doute en abordant vraiment le film, mais les musiques collent bien à ce qui se passe à l'écran, mais tu t'en souviens pas après le film. Ouais, voilà, c'est un peu dommage, et je pense que ça joue à vraiment pas grand-chose, à un ou deux motifs plus mémorables qui auraient permis de bien marquer le coup. Globalement, de manière assez prévisible, le film est pas super apprécié. Dans un classement de toute la saga des Démons du Maïs, comme je te le disais, je l'ai trouvé à la 2e place, ce qui m'inquiète un peu pour la suite, quand même. Effectivement. Et globalement, il est quand même pas considéré comme un des pires de la série. Il a actuellement 25% sur Rotten Tomatoes, c'est pas le pourcentage de fraîcheur qui est indisponible, ce qui le place à la 15e place des films qu'on a vus, et 2,7 étoiles sur Allociné, à la 12e place ex aequo. Bon, voilà, il est considéré comme un film moyen, pas mémorable, pas nul, mais quand même très moyen. Bonsoir. Je suis désolée de vous déranger si tard, mais ils sont très bizarres, j'y comprends rien. Depuis le jour où ils ont été malades, et ils veulent plus m'écouter. Au début, je croyais qu'ils voulaient juste me faire marcher, mais maintenant je... Alors, ça va, Scott ? Je suis pas Scott. Ah bon, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je m'appelle Ézéchiel. Et moi, Caleb. Je leur ai dit d'arrêter cette comédie. J'ai hurlé, mais ils ne veulent rien savoir. Qu'est-ce qui leur arrive ? Le diagnostic est simple. Je crois qu'ils se moquent de vous, Jeannette, et que vous allez bientôt craquer si vous ne vous reposez pas. Allez, rentrez chez vous et essayez de dormir. Je vais les garder avec moi cette nuit. Faites ce que je vous dis, je les aurai à l'œil, n'ayez crainte. Ça me et je ne veux pas vous revoir ici avant que vous ayez dormi 10 heures d'affilée. Merci. Et je pense qu'on va pouvoir en passer à nos avis, parce que, bon, évidemment, j'ai pas trouvé d'interview du réalisateur ou quoi que ce soit, encore moins d'interview de King qui n'en a rien à faire de cette saga. Donc on va pouvoir dire ce qu'on en pense, nous. Je t'écoute, Christopher. Pour moi, en fait, c'est même pas un film moyen, c'est un film qui tend plutôt vers le nul avec quelques moments un petit peu réussis. Clairement, c'est aidé par Naomi Watts, qui déjà, à l'époque, était une bonne actrice. Ça montre vraiment le talent de la dame, parce que quand même, pour réussir à porter un petit peu cette merde sur les épaules, il faut en avoir. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Oui. Les effets spéciaux, par moments, sont plutôt cool. Il y a des effets gore qui sont plutôt chouettes, qui visuellement rendent plutôt bien, encore aujourd'hui. Mais pour le reste, y a rien qui est bon, quoi. Les autres acteurs, bah, ils pédalent un peu dans la semoule, mis à part quelques-uns qui s'en sortent un peu. Karen Black, elle s'en sort bien, je trouve, dans le rôle ouais. De la mère. Elle, le père du gamin hémophile, ben on le voit pas beaucoup, mais il fonctionne bien aussi. Oui. Même le gamin hémophile en lui-même, il fonctionne bien. L'intrigue est totalement pétée. Non mais vraiment, l'intrigue, il n'y a aucun rapport avec les champs de maïs. Ah ça oui, ils se sont débrouillés, mais on sent qu'ils ont forcé pour réussir à placer une ou deux scènes dans des champs de maïs. Mais ça sonne super forcé. Vraiment, c'est improbable. Ça pourrait être le quatrième épisode de n'importe quelle saga horrifique. Ouais, avec des enfants quand même. Oui, avec des enfants, mais ça pourrait être un nouvel épisode du Village des Damnés, par exemple. C'est pas faux. Tu vois ? Il n'y a même pas de présence de divinité auxquelles les gamins croiraient. Bah, en fait, les seules choses qui nous rappellent ça, c'est la manière dont les gamins de se nommer par des noms christiques. Et puis c'est marre, quoi, c'est tout. Bah, cette fois-ci, la divinité, c'est plus ou moins Joshua qui reprend le rôle du démon, qui est devenu le démon. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est pas très convaincant. Des démons avec des pouvoirs qui sortent un petit peu de nulle part, quoi. Alors, ces pouvoirs rendent bien visuellement à l'écran. C'est rigolo de voir une flaque de sang se matérialiser par terre et lui qui pop en sortant de la flaque. C'est chouette à voir, mais d'où ça sort, quoi. Bah, en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait un boulot plutôt inspiré, qui se sont mis à fond dans leur truc. Bon, bah, Naomi Watts, jeune actrice qui fait son taf, comme tu l'as dit. Et puis, les départements effets spéciaux, création, ont eu quelques idées un peu originales, qui fonctionnent, du coup. Mais, en effet, tout ce qu'il y avait à filmer, tout le projet autour, est assez ridicule. Il y a plein... soit d'incohérences, soit d'éléments du scénario qui ne vont nulle part. Par exemple, la maladie de la mère, son agoraphobie, à quoi elle sert au final ? Oui, y a rien. C'est un prétexte pour ramener le personnage de Naomi Watts dans la ville, quoi. Ouais. Idem pour l'hémophilie du fils de Donald. C'est... Bah, enfin, surtout... ça rajoute rien. Dans tous les cas, il aurait voulu le récupérer, son gosse. Bah oui. Et puis surtout qu'à un moment, on nous fait croire que ça va être un enjeu, parce qu'à un moment, les gamins se font une entaille dans la main pour remplir une espèce de grosse bassine de sang, pour que Joshua revienne à la vie. Et donc, bah, quand le gamin il se coupe la main, toi, en tant que spectateur, tu sais qu'il est hémophile, donc tu te dis, bah, il va se passer un truc. Et en fait, non. C'est pas du tout utilisé. Ouais. Juste le gamin dit, oh bah, je me sens mal. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, tu te coupes la paume, tu te sens mal. Hein, ça saigne vachement, même quand t'es pas hémophile. Donc bon. Voilà. Donc, d'ailleurs, t'auras remarqué à ce moment-là que les gamins disent, je lui donne ma chair. Au moment de verser oui. Leur sang. Ouais, c'est exact, ouais. C'est un peu débile. Donc il y a ça. Dans le genre des incohérences, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'avec une épidémie comme ça, même si elle se calme, il n'y a aucune instance de santé supérieure qui soit prévenue. Oui, bah surtout un truc aussi éclair que ça, quoi. Normalement, les gens s'inquiètent un petit peu, tu te poses des ouais. Questions. C'est les années 90 quand même. À l'époque, niveau hygiène et compagnie, ça commençait à aller mieux. Alors après, Issam, peut-être que ça nous a fait ça parce qu'on vit une période particulière actuellement. Oui. Alors, ce qui rend la scène plutôt efficace d'ailleurs, pour le coup. Oui, voilà, mais du coup, ce n'est pas de la grâce au film. Toute c'est la grâce scène où les gamins ont de la fièvre marche pas. Je pense qu'elle marche un peu en réalité, mais c'est vrai que voilà, c'est de nos jours, elle marche encore mieux. Surtout que les symptômes sont vraiment très similaires, de la fièvre. Enfin, c'est vraiment des symptômes assez proches du corona. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de tension quand ils remplissent des baignoires d'eau glacée et qu'ils plongent les gamins un par un pour faire baisser leur température. Oui, c'est il y a un petit moment, alors pas d'angoisse, mais de un bon petit suspense sur cette séquence-là. Ouais. Mais pareil, ils se calment tout de suite dès que la fièvre est passée. Ils se calment tout de suite. Enfin, il y en a qui sont montés à 42 de fièvre normalement. Oui. Normalement, ça peut laisser des séquelles, quoi. Au bout d'un moment. Et puis ils sont en expérience de mort imminente en réalité. Donc, oui, on les surveille, on continue à les surveiller un minimum. On les renvoie pas chez leurs parents. Oui, voilà. Il y a quelques morts originales. J'aime beaucoup l'espèce d'épouvantail glauque qui est fait avec les bouts de cadavres du premier mec qui est tué. Oui, l'épouvantail marche bien. Après, la manière de mourir du premier cadavre, elle est complètement ridicule. Pour ce terrain, après, c'est du maman, j'ai raté l'avion, quoi. Il a passé 2 heures à installer son truc avant de le tuer. Voilà, alors que c'est censé être une espèce de divinité morbide, quoi. Ouais. Non, et puis même, le mec va chercher sa bouteille de whisky, donc il a fait tomber au loin, et genre, pour la récupérer, il va se coincer sous une espèce de truc pointu avec. Ah, c'est complètement stupide, quoi. Ouais, c'est ça, il pouvait pas faire un petit détour. Genre, pour expliquer, ça se passe dans une grange, et donc bah, t'as un outil qui doit sans doute servir à faucher le blé. Et donc, c'est par là qu'il passe, lui. Lui, il passe en dessous. Au lieu de le déplacer, non, il passe en dessous. Risque ta vie pour une bouteille de whisky, toi aussi. Ah bah, il est très très alcoolique, hein. Quand t'es arrivé à un certain stade, peut-être que... Oui, enfin bon... Alors l'autre truc, mais où j'arrive pas à savoir si c'est une incohérence ou si au contraire c'est très crédible, c'est que les flics suspectent Donald des meurtres alors qu'en réalité c'est pas possible. Oui, non, c'est totalement impossible. Même. Mais c'est peut-être un message critique, mais ah, je suis pas sûr. Non, j'y crois pas, c'est juste une incohérence. Mais par exemple, le meurtre du shérif, il peut pas l'avoir commis. Il y a un autre flic juste à côté de lui au moment où le shérif se fait tuer. Donc, ah oui, oui, non, mais bah, ça, ou alors, c'est pas lui. Ou alors l'autre flic à côté est complètement aveugle, quoi. Ouais, peut-être. Ce qui c'est pourrait, peut-être ça l'explication. Ce qui pourrait aussi être une critique comme quoi la justice, l'aveugle et tout. Voilà. Ouais, à cab. C'est ça. La mort du médecin, je l'ai trouvé assez ridicule aussi. Comment il y passe, lui, déjà ? Il se fait couper en deux par un chariot. Ah, mais non, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Rigolo, mais c'est débile. Mais oui, c'est totalement débile. Le brancard qui est équipé d'une espèce de lame. C'est tellement n'importe quoi que c'est compliqué à expliquer. En fait, imaginez que Joshua ait construit un brancard qu'il aurait customisé en cutter géant. Parce que c'est un peu ça, en fait. C'est... Non, mais... voilà, c'est comment tu fais ça, en fait ? Mais je sais pas. Mais en même temps, comment tu te téléportes dans des flaques de sang ? Ouais, mais ça, à la limite, pourquoi pas ? C'est un dieu maléfique. Mais le coup du brancard cutter, ça fait dieu MacGyver, quoi. C'est un peu, mais c'est tu un vois, peu ridicule. Mais tu vois, en fait, c'est exactement comme j'ai dit au début. Le souci des meurtres, c'est que t'as l'impression que c'est des meurtres qui pourraient être dans d'autres sagas horrifiques. C'est-à-dire que ça, ce truc-là, le brancard cutter, ça pourrait tellement être présent dans un film de Freddy. Oui, mais Freddy n'a pas le même état d'esprit, de base. Oui, bah parce que Freddy est plus dans l'humour très très glauque et très très noir. Même dans un Vendredi 13, ça aurait pu passer, vu que la saga est devenue complètement délire au bout d'un moment. Oui, oui, c'est devenu totalement what the fuck. Mais là, dans un Démon du Mali, j'ai l'impression que le truc se prend en dehors de ça quand même pas mal au sérieux, donc ça fait un peu décalé. Ah bah oui, concrètement, t'as aucun moment d'humour, en fait. Vraiment aucun. Ou alors pas volontaire. Après, dans les reproches, au final, le message est un peu puant. Le message du film. Mm-hmm. Parce que c'est quand même un peu Naomi Watts qui, parce qu'elle a abandonné sa fille, parce qu'elle était fille-mère, du coup, elle amène à peu près le désastre sur la ville. C'est à peu près comme ça qu'il faut le comprendre, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est assez nauséabond comme message. Bah, c'est un message un petit peu anti-avortement, quoi. Bah, anti-avortement et anti-abandon, parce que finalement, sa fille, et encore, elle l'avait laissée avec sa mère, elle la voyait régulièrement, enfin, c'est pas comme si elle l'avait abandonnée dans une poubelle après l'accouchement. Oui. Oui, clairement. Donc, enfin, je vois pas ce qu'elle a fait de mal, Naomi Watts, et pourtant, c'est quand même bien montré comme un péché, son comportement. Alors que le vrai péché, c'est d'avoir fait les démons du maïs 4. Grace, est-ce que tu vas rester longtemps ? Je resterai jusqu'à ce que maman aille mieux. C'est ça, oui, on devrait l'enfermer dans un asile de dingue et qu'on n'en parle plus. James ! Maman a vraiment perdu la boule ? Elle est malade, ça arrive. Et c'est pour ça que parfois elle s'inquiète. Elle est angoissée et elle a peur. Mais toi et moi, on sait très bien qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Moi, j'ai peur de rien du tout. Tant mieux. Maintenant, dors et fais de beaux rêves. Grâce. Je t'aime plus que maman. Il est temps de dormir. Breaking news. Je lis à l'instant un article du Club Stephen King. Bonjour au Club Stephen King. Oh non. Enfin, si, bonjour. Mec des enfants du maïs est en tournage. Mais on l'a déjà fait il y a pas longtemps. Voilà. Oh non. Encore un démon du maïs qui sera réalisé par Kurt Weimer, réalisateur d'Equilibrium. Ah, Equilibrium qui était un film moyen plus. Ouais, non, ça peut peut-être être correct. Bon. Ça dépend, est-ce que les enfants du maïs vont faire du Kung Fu Gun ? Honnêtement, ça donnera un peu d'intérêt au truc. Hein. John Wick 4, les enfants du maïs. Reprenons le cours normal de notre émission. Ah. Comme tu dis, les effets Gorn ensemble fonctionnent bien, à part les effets du sang qui s'enfuit à la vue du mercure. Ça, c'est un peu moche. Bah, mais disons que c'était notamment mieux fait. Les effets de la dernière partie marchent bien. L'effet du sang qui s'enfuit, c'est quand même mieux fait dans The Thing, quoi, de Carpenter. Ouais, effectivement. Là, tu sens que c'est numérique, en fait. Qui pourtant est un film qui a quelques années de moins, quoi. En effet, ouais, mais bon, c'est Carpenter, quoi. On en reparlera un jour, mais... voilà. Oui, bah, on en reparlera un jour dans cette émission, en plus de lui. Heureusement pour nous. Mais là, par contre, la mort de la jeune scientifique, il me semble que c'est ça qu'elle fait comme étude ou comme profession, celle qui fait des expériences sur le sang. Oui, je crois qu'elle est infirmière, la copine de Grace. Voilà, elle, sa mort est plutôt originale et plutôt visuellement... J'allais dire agréable. Si tant est que se prendre une foudre en pleine tronche, c'est agréable, bien entendu, hein, vous comprenez. Quand on est amateur de cinéma vis, c'est agréable, cette scène-là. Voilà. Voilà. Bah, de même que celle de la femme de Donald, elle est banale dans la manière d'exécution, mais elle est pas mal faite. T'as commencé à énumérer le mercure. C'est totalement con, en fait, cette explication-là. Oui, bah ça, on va y revenir un peu plus tard, plus en détail, mais en effet... C'est complètement débile comme explication. Bah voilà, c'est un film nul avec quelques moments qui fonctionnent. Voilà, c'est même pas moyen pour moi. C'est nul avec des moments qui fonctionnent. Ouais, la fin est trop rushée aussi. Il y a... Allez, pour lui accorder quelque chose, il y a quand même un certain rythme qui fait que, même si c'est nul, tu t'ennuies pas forcément devant. Ah oui, clairement, moi je me suis pas ennuyé en le voyant, mais c'est vraiment le truc un peu débile où j'ai mis mon cerveau sur off, et puis comme j'en attendais vraiment vraiment rien du tout, j'étais prêt à être assez tolérant aussi, je pense. Voilà. Bon, je propose justement qu'on en passe à une petite discussion sur une scène précise. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Alors, nous avons choisi pour cette analyse un peu plus poussée de scène de voir la scène dans laquelle deux vieillards qui vivent dans le village depuis très longtemps expliquent à Naomi Watts, à Grace et à Donald l'origine de Joshua et donc l'origine de tout ce qui est en train de se passer dans le village. Attention, explication. Les prédicateurs savaient que si l'enfant grandissait, l'argent cesserait de couler à flot. Alors ces hommes malfaisants ont tout essayé pour garder la poule aux œufs d'or. Ils l'empêchaient de dormir. Ils lui faisaient avaler du vif argent. Du poison ? Pour arrêter sa croissance. Mais en vain. Ça l'a rendu malade, le pauvre gosse est devenu fou. Finalement, ils ont franchi le pas. Ils l'ont sacrifié. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous entendez par sacrifier? C'est grâce aux forces des ténèbres que je suis restée enfant. Mais un jour, nous avons découvert leur secret. Personne ne l'a écouté. Les prédicateurs n'avaient plus besoin de Josué, ils ne leur servaient plus à rien. Du coup, ils l'ont abandonné. Tout comme l'avait fait sa mère. Alors, sa vengeance a été terrible, il n'a épargné personne. Il était armé d'une grande faux. Là-bas, à la ferme des Spelling, en plein cœur de la nuit. Quelle horreur, c'est atroce. Nous avons tous fait notre devoir. Tous les habitants de la ville sont allés chercher l'enfant prodige. Ils l'ont traîné dehors. Ils l'ont emmené dans les champs de maïs. Et puis ils l'ont brûlé vif. Voilà, donc la scène est terminée. Vous avez entendu une explication brillante de pourquoi Joshua se comporte comme ça, de pourquoi il fait ci, il fait ça. Et comment on peut le vaincre. Et comment on peut le vaincre aussi. Et donc, quel est le problème de cette scène, selon toi, Chris? Bah, alors déjà, on va énumérer le problème de comment on peut le vaincre, c'est-à-dire en lui foutant du mercure ou en lui faisant consommer du mercure. Bah, le problème, c'est que consommer du mercure, ça tue à peu près tout être humain sur Terre. Hein. C'est pas que lui, en fait. Donc c'est très étrange comme moyen, je trouve. Bah, effectivement, ça sonne pas tellement un moyen vraiment fantastique. Voilà, ça sonne pas un moyen de détruire une bête divine... Enfin, c'est un peu nul, quoi. D'ailleurs, on notera, j'ai appris qu'à l'époque, le mercure, on appelait ça le vif argent. Oui. C'est bizarre parce que je croyais que dans le temps, on disait que c'est l'or, Mercury. Oh ! Je l'avais noté, celle-là. Hein, pour... Ah, bah bravo. Ouais. Bravo. Alors moi, du coup, je m'attendais à voir surgir un mec qui court très très vite. Pourquoi ? Ah oui, oui, d'accord, oui, vif argent. Quicksilver, tout ça, voilà. Et ça aurait pu servir à le connecter avec la saga des griffes de la nuit, avec Freddy Mercury. Voilà, c'est ça. Mais on s'arrête là ou... Oui, non, on va s'arrêter là, je pense que c'est bon. Mais du coup, on est déjà lié... tombé assez bas. Mais du coup, s'il est lié à Freddy Mercury, ça veut dire que c'est un préquel à Bohemian Rhapsody? Oh la vache. C'est mieux que Bohemian Rhapsody. Ah bah je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, Bohemian Rhapsody. Mais est-ce qu'il serait pas temps de fermer cette parenthèse je pense. Après la scène, je trouve que niveau ambiance, elle marche un peu, il y a un truc qui prend. Bon bah c'est très cliché, t'as les photos qui saignent, bah, voilà, c'est très attendu. Ah mais ça sort d'où ça aussi, la photo qui saigne, c'est n'importe de quoi. De nulle part, mais on va dire que ça apporte une certaine ambiance. Bah ça apporte une ambiance de rien du tout, vu qu'aucun personnage ne semble le voir, donc ne semble s'inquiéter. Oui, mais nous, le spectateur, on le voit, donc nous, ça nous apporte de l'ambiance. Oui, enfin, on voit un film de merde depuis maintenant quasiment une heure à ce moment-là, donc bon. C'est pas faux. Non, alors, moi, le gros regret, je trouve, de cette scène-là, c'est que, bah, c'est quand même du gâchis. C'était un moment idéal de rallier vraiment l'épisode au reste de la saga, alors que pas du tout. En montrant deux petites vieilles qui, genre, sont dans le village depuis longtemps... Tu peux faire un lien avec, du coup, les deux premiers épisodes, mais bah non. Mais je crois que l'intention était de ne pas le faire, hein, clairement. Ouais. Ah oui, mais je reproche pas que l'intention était de ne pas le faire, je reproche le fait que bah, c'est dommage, je trouve que c'est un rendez-vous raté. Ouais, après, est-ce que t'avais des masses envie de voir des connexions avec le début de la saga? Bah je sais pas, on n'a pas encore vu le début de la saga. Oui bah voilà, du coup, on s'en fiche, non? C'est la particularité de notre émission. C'est ça. On voit l'épisode 4 avant même d'avoir vu l'épisode 1, 2, 3, quoi. Après, moi, ce qui m'a échappé aussi dans cette histoire, c'est pourquoi les deux vieilles demandent à Donald d'aller chercher précisément Naomi Watts. À ce moment-là, elles savent pas encore que Naomi Watts a abandonné sa fille. Oui, non, pourquoi elles, comment elles savent qu'elle est, entre guillemets, de l'élu qui peut tout résoudre? Mais en même temps, on parle de deux petites vieilles qui connaissent tout, mais qui ont jamais rien fait pour prévenir les gens avant que ça arrive. Bah, elles se disaient peut-être que ça allait pas réarriver. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Ça, à la limite, pourquoi pas? À partir du moment où c'est arrivé une fois, tu peux commencer à te méfier, quand même. Oui, en effet, tu peux surveiller, mais de là à créer la paranoïa chez les gens, je veux bien comprendre. Accordons-leur ça. D'accord. T'es quand même très gentil avec les petites vieilles. Hein. Mais j'aime bien les petites vieilles, qu'est-ce que tu veux. D'accord. Ah oui, au défaut du film qui m'a un peu agacé, il y a beaucoup de scènes de rêve dans le début. non, beaucoup trop de scènes de rêve. C'est de cauchemars, ça utilise l'effet plusieurs fois et c'est un peu lassant à force. Bah surtout qu'il y a des cauchemars dans des cauchemars. Oui, en plus, ouais. Comme quoi, Christopher Nolan n'a rien inventé. Non, bon, ça, il n'y avait pas besoin des démons du Maze 4 pour le savoir. Oh là là là là, ça bâche. Big up, Chris. Non, mais je t'aime bien, il te manque que le talent. Oh là là là là. Je le comprends pas, ça. Oh là là. C'est le confinement, on se lâche. Oh putain, on va se faire des ennemis, hein. Donc voilà, ouais, c'est une explication en fait qui a pour principal défaut de ne servir à rien, de ne pas installer de setup payoff en réalité, alors que dans ça sert à ça, ce genre d'explication. Après, effectivement, il y a Naomi Watts qui va verser une tonne de mercure dans une cuve pour balancer de la vapeur d'eau mercurée à haute pression sur Joshua. Mais encore une fois, on peut se dire que de la vapeur d'eau à haute pression, de base, ça doit pas faire du bien à grand monde. Oui, et puis putain, mais les dégâts écologiques que ça a dû créer dans la région depuis. Oh, c'est peut-être une cuve isolée. Il y a peut-être moyen. J'espère, parce que sinon, effectivement, c'est un massacre. Parce que sinon, la petite ville va pas vivre longtemps de ses récoltes de maïs, moi je te le dis. C'est peut-être pour ça que tout le monde se barre après, d'ailleurs. C'est peut-être ça, ouais. Eh ben, en tout cas, j'espère que à la fin de la prochaine émission, on va pas tirer les enfants du maïs 5. Hein. Non, ce sera peut-être le 3. Et je pense qu'on va pouvoir passer au classement. C'est parti. Alors, nous n'avons donc que le film à classer. Actuellement, les trois premiers de notre liste des films, c'est Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et Cujo de Lewis Teague, et les trois derniers, Les Démons du Maïs de Donald P. Borchers, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Vous pouvez retrouver la liste complète dans la description. Et donc, Les Démons du Maïs 4... Pour moi, ouais, ça va soit au-dessus, soit en dessous de la tour sombre. Alors, moi, je le voyais plutôt en dessous de la tour sombre. C'était à peu près dans ces zones-là que je le voyais, hein, moi aussi. Hein. C'était entre les démons du maïs et la tour sombre. Ou alors entre Jesse et les démons du maïs, mais... Je le trouve quand même mieux que celui de Donald P. Borchers. On s'était vraiment fait chier devant. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est que au moins il y a quand même quelques petites choses à sauver dans celui-là. Donc ouais, quitte à le mettre quelque part, pour moi, ce serait plutôt la tour entre la tour sombre et les défonds du maïs, le premier, enfin le reboot de Borchers. Ouais, la tour sombre avait quand même un peu plus de qualité, une ou deux scènes qui fonctionnaient vraiment pas mal. Il y a Idris Elba. Idris Elba, et puis même visuellement, c'est quand même un petit peu plus léché, voilà quoi. Ouais, ok, allez, 18e place. Entre la tour sombre et les démons du maïs. Oui, ce qui veut dire que les deux démons du maïs faits pour le moment se retrouvent côte à côte. Oh bah à mon avis, ça risque d'arriver assez souvent. Je pense, ça m'étonne pas particulièrement. Il y aura peut-être que le premier qui tirera son épingle du jeu. On verra bien. Bon bah pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour parler de Trucks, les camions de l'enfer, ouais, de Chris Thompson. L'angoisse, quoi, tu veux dire. C'est ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Sur Discord aussi, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, on mettra le lien dans la description. Tu as aussi une page Facebook? Oui, effectivement, Archiviste du cinéma, et une chaîne YouTube, un peu à l'arrêt, mais bon, on verra bien jour. Mais allez-y, il y a quand même des chouettes vidéos dessus. Merci. Et vous pouvez nous retrouver dans deux autres podcasts, Casse sur table dédié aux nouveautés BD, comics, manga, et La Guerre des Clapes consacrée aux films, au cinéma en général, on traite d'un nouveau film à chaque fois maintenant. C'est ça. Qui sont un peu à l'arrêt pour le moment, mais qui devraient reprendre bientôt si le confinement se termine. Oui, voilà, là c'est pour raisons évidentes de confinement, et que, bah, vu qu'on est que deux à pouvoir enregistrer, notre ami Nécro ne pouvant pas, malheureusement, on va pas faire des épisodes à deux seulement. Oui, voilà. Et donc, à dans deux semaines, et n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut!